pas tellement, tu les rembrailles. Moi, je t'aime comme un enfant, je veux juste te serrer dans mes bras, puis voler en ballon au-dessus des grands, foutre le camp avec toi. Comme une lyre, je voudrais que tu poses ta joue dans mon cou, que tu pleures une larme de cire, qu'elle couvre nos deux peaux fil à mensonge. Jamais ne sera vendue la mèche de nos amours, chandelle d'ange mauve, lanterne d'osmose, chandelle d'ange mauve. Moi, je t'aime comme un enfant. Juste te serrer dans mes bras, puis voler en ballon au-dessus des grands, foutre le camp avec toi sur la route de la salle. Moi, je t'aime comme un enfant, je veux juste te serrer dans mes bras. Si vous appréciez tous les artistes que nous programmons, vous pouvez tous les retrouver sur la page Facebook de Radio Le Zinc. Et d'ailleurs, si vous grattez bien, vous retrouverez également pas mal de belles choses de nos potes de l'orchestre poétique d'avant-guerre qui arrive tout de suite. Chenille, qui la serpente Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on la fait propre, on l'embellit, mais l'embellie de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellie, j'attends, mais l'embellie de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellie, j'attends. À quelques pas de là, me fait cligner les yeux à Saint-Michel. Je suis déjà nostalgique de ce qui ne sera plus, de ce qui ne sera plus. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur, alors j'évite. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur. Ma frangine ne doit pas en croire ses oreilles. Déjà 3 titres et pas l'ombre d'un mec dans Radio Le Zinc. Ne t'en fais pas, car voilà Maltese, qui est apparu comme par magie dans ma bibliothèque musicale. Et c'est le titre, Ami, entends-tu, qui a retenu toute mon attention. Sens-tu la nuit venir, ses pluies chargées d'acide descendre sur nos plaines. Maltese, je n'aime pas tout ce qu'ils font, je ne sais pas s'ils survivent encore. Mais encore une fois, Maltese appartient à ceux qui rendent nos vies plus faciles. Les Orléanais n'ont, d'après mes recherches rapides, qu'un seul album à leur compteur, sorti en 2017, au large, comptait 11 titres, dont Ami, entends-tu, que nous avons écouté, mais également Machenka. Thank you. Matchenka, toujours je chercherai Matchenka, Matchenka, Matchenka. Pour nous mon amour, c'est la mort ou le mur. Perdu dans l'immensité, traqué par la horde des loups. Et tu qui es tellement attendu au match une cahouette vous. Dans le fond sibérien tchou-tchou, moins 30 des glaces sont dans la tête. Ne plus penser à rien surtout, attention, le KGB guette. Je cherche Machinka, parle-là les marais. Je cherche Machinka, toujours je chercherai. C'est la mort ou le mur. Machenka, ton nom qui se perd, cri d'amour au vent des steppes. Et je chante devant le Dniepr comme un anachronique esthète. Elle venait des confins de l'URSS, tomba dans le. La nuit sous la lune rousse. Je cherche Machenka, par-delà les marais. Je cherche Machenka, toujours je chercherai. Machenka, Machenka, Machenka. Pour nous mon amour, c'est la mort ou le mur. Sérieux, écoutez, au large, unique album de Maltès, ça fait du bien, c'est rock, c'est bon. Mais pour le moment, allons peser nos âmes. Avec le temps. Si vous êtes des habitués de Radio Zinc, j'espère que vous avez pris plaisir à écouter nos anciens pensionnaires stéphanois, tatoués au rock léger et pénétrant de 21 grammes. Si vous aimez ce qu'il y a de plus lourd, je peux vous proposer un titre que nous n'avons pas programmé depuis des lustres. Les hurleurs viennent partager leur étoile absinthe. Ça y est, les trottoirs soignent tous ceux qu'ils ont, leurs artères, toute la fange qu'ils ont gagnée pendant l'hiver. Ça y est, les trottoirs suent tout ce que l'homme leur confère, ce que sa bouche trop polluée lui crache à terre. Ça y est, ils dégorgent tous les dépôts de ceux qui grognent, ils embaument, ils exultent et emplissent l'air. Ça y est, il est enfin temps, le ciel noircit et jamais ne ment. Le ciel rougit comme jamais auparavant. Il se gonfle et promet de grands changements, mais ça va péter les enfants. Ça y est, les mains se tendent par le centaine et prolifèrent. Ces mille cris sont les oublis de ceux qui gèrent. Ça y est, les mains se ferment, ce sont des points que l'on observe. Ces milliers d'âmes sont des oublis qui vocifèrent. Ça y est, ils haranguent, ils se souviennent de leur langue. Et tous unis, ce peuple dénonce son enfer. Ça y est, il est enfin temps. Le ciel noircit et jamais ne ment. Le ciel rougit comme jamais auparavant. Il se gonfle et promet de grands changements, mais ça va péter les enfants. Ça y est, la nuit résonne et sur nos têtes le ciel tonne, les volets claquent et les rues se balayent d'air. Ça y est, les vitres cassent et l'orage tonne sur les places, les rues s'inondent et l'orage répand sa lumière. Ça y est, c'est le réveil, c'est l'appel de ceux qui veillent, mais dans les rues baignées de pluie, personne n'erre. Ça y est, il est enfin temps, le ciel noircit et jamais ne ment. Le ciel rougit comme jamais auparavant. Il se gonfle et promet le grand changement, mais ça va péter les enfants. Une chimère de relève, un bel orage comme l'été sait si bien les faire. Alors c'est la relâche, quelques passants vaquent à leur tâche, se souciant peu des mains tendues qu'effacent l'air. Alors quelques trottoirs rigolent recevant cette histoire, le ciel offrant la pluie comme fin de calvaire. Et pourtant il serait grand temps, le ciel noircit et jamais ne ment. Le ciel rougit comme jamais auparavant. Il se gonfle et promet de grands changements, mais ça doit péter les enfants. Vous écoutez bien Radio Le Zinc sur le 104.6 de la très locale RVR et je pense que c'est la seule radio dans laquelle vous pourrez écouter Louisville qui nous chante dans un premier temps dehors. Dehors, la brume s'immisçait dans chaque pavé, chaque recoin. Recouvrant d'une mer d'huile toutes les clameurs, tous les chagrins. Dehors, les hommes bouffaient du coton, étouffant les cris, les pleurs. Les hommes bouffaient du coton, asphyxiant tous leurs démons. Dehors, les fleurs s'étiolaient, chaque racine pourrissait, garant la terre d'une amertume, offrant le désamour posthume. Dehors, les hommes se courbaient, lambeaux d'ombre vieillissante. Dehors, les hommes se courbaient, et leur cœur fatiguait. Dehors, la mer s'était tue. Plus d'écume, plus de tumulte. Et les mouettes regrettaient ces gros temps, ces vents mauvais. Dehors, les hommes survivaient, ne sachant où se poser. Dehors, les hommes survivaient, ils ressemblait à ces 14 juillet. Le noir, le feu, les flammes brûlaient, leur dieu s'était enfui. Pendant ce temps, d'autres trinquaient, Valcalma, le nouveau dieu. Et dedans, d'autres trinquaient, ils vivaient tant mieux pour eux. Pendant ce temps, d'autres trinquaient, Valcalma, le nouveau dieu. Et dedans, d'autres trinquaient, ils vivaient tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux. Le Vosgien Louisville, le trop rare Louis chantait dehors dans Radio Lozinque sur la très locale RVR. J'avais découvert par hasard un live du Louis, hypnotique, abîmé, érodé le gars, pas facile d'accès et hermétique à notre société. Mais au moins, il vit et nous offre son œuvre. Profitons donc d'un second titre du Louis, Louisville, ici et maintenant. Attention, ce texte n'est pas pour toutes les oreilles. Tu es si cruel quand tu sais. Il est bientôt 17h35 et vous écoutez au 104.6 de RVR, ce Rouen et sa région, Radio Le Zinc. On dirait qu'on se lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. On dirait que l'on soufflerait sur les braises. On dirait que les pirates nous assiègent et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. J'ai traqué les toujours des œufs et les déesses, goûté aux alentours, souvent changé d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps, quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or. Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? Quand faut-il être pour, que faut-il être encore? On dirait qu'on sait lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze et que les fenêtres nous apaisent. Peut-être que la nuit, le monde fait la trêve. Et qu'aujourd'hui, ton sourire fait grève. On dirait qu'on sait lire sur les lèvres et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. Ce soir, Radio Le Zinc, comme tous les jeudis, essaie de partager son univers musical et après Orly Chap et autres Maltese. Ce soir, Radio Le Zinc vous demande d'ouvrir vos escourbes pour souhaiter la bienvenue aux 5 gars du baratin de la joie et à leur rock très généreux. You can't take control, you can't take just free. More noise, you can't take control. Just free more noise. You can't take control. You can't take just free more noise. You can't take control. You can't take just free more noise. You can't take control. You can't take just free more noise. You can't take control. You can't take control. Le marché nous fait pleurer. Le renflement d'argent à nos banquiers nous fait gerber. Encore faut-il que l'estomac soit plein pour ce dernier. J'emmerde ce pouvoir qui flâne sous mon clier. Apeuré, appauvri, tout ça n'est que cliché. Pour une poignée de sauvages à l'ambition sous-développée. Racaille, vermine, est-elle du bon côté? Hein, qu'est son pauvre con? Une seule réponse qui en dit long. Just free, more noise. You can't take control, you can't take. Just free, more noise. You can't take control. Just free more noise. You can't take control. You can't take just free more noise. You can't take control. You can't take just free more noise. You can't take control. You can't take just free more noise. You can't take control. You can't take control. Vérité sans lendemain, le vide de la victoire ne tient-il pas dans une main? Qu'importe l'odeur, qu'importe la couleur, l'agneau a-t-il encore de la sueur? Just free, more noise. You can't take control, you can't take just free, more noise. You can't take control, just free, more noise. You can't take control, you can't take just free, more noise. You can't take control. Just free, just free, more noise, more noise. You can't take control, you can't take just free, more noise, more noise. You can't take control, you can't take just free, more noise, more noise. You can't take control, you can't take just free, more noise, more noise. You can't take control, you can't take control. Ce titre vous a fait penser à No One Is Innocent, c'est que votre oreille est bonne, car Kemar, chanteur des No One, chantait aux côtés des 5 gars du Baratin de la Joie. Vous avez aimé? Tant mieux. On vous envoie un bis du Baratin de la Joie avec un titre un peu plus calme. Cinq heures de temps à bégoter dans les méandres de tes draps trempés, qui pour ce soir auront calmé l'appétit d'un berger affamé. T'as la conscience séductrice voguant le cœur souillé à trop vouloir. Goûter la vie du bon côté, goûter la vie de l'autre à trop devoir. Offrir ton corps si fatigué, couvrir ton corps de honte à trop vouloir. Goûter la vie du bon côté, goûter la vie de l'autre à trop devoir. Offrir ton corps si fatigué, couvrir ton corps de honte. Y'en a d'une humeur exécrable. Y'en a, y'en a. La voix dégagée d'une achahue de fin de chantier. T'es comme perdu, t'es comme une conne. T'as ton cerveau qui tourne en rond. Et des regards, regarde-moi, ces regards qui font de toi une misérable qui se fout de toi et tes tracas. Ah, trop vouloir. Goûter la vie du bon côté, goûter la vie de l'autre. Ah, trop devoir. Offrir ton corps si fatigué, couvrir ton corps de honte. Ah, trop vouloir. Goûter la vie du bon côté, goûter la vie de l'autre. Ah, trop devoir. Offrir ton corps si fatigué, couvrir ton corps de honte. Y'en a d'une humeur exécrable. Y'en a, y'en a. D'une humeur exécrable. temps délacé s'est introduit sur ton visage qui pour un temps donné se laisse graver un air d'orage, cette allure épuisée sous l'air en toi, un attirail de gêne, de honte, de plaie amère, nourrissant ton personnage à trop vouloir goûter la vie du bon côté, goûter la vie de l'autre à trop devoir offrir ton corps si fatigué, couvrir ton corps de honte. Yeah Radio Le Zinc est bien avancé. Il est peut-être le temps de retrouver quelques vieux machins qui peut-être résonneront à vos oreilles. Je prends la tangente sous l'arc de la nuit, sur ma nuque bleue, cheveux noirs de pluie. Y'a peut-être un ailleurs, un accord majeur. J'attends pas la fin de cette mort grise, de mes yeux éteints, des chevaux de frise. Y'a peut-être un ailleurs, plus loin du malheur. Y'a peut-être un ailleurs, y'a peut-être un ailleurs. La mort, le vice les fout toujours plus fort. Partir, partir. La crasse, l'ennui, le feu, la honte, l'angoisse, les cris, la pluie, la trouille. Partir, partir. Bleu, sur la ligne blanche, reste un mort ou deux. Y'a peut-être un ailleurs, un accord majeur. Je veux plus du fatal, je remets les gants jusqu'au point final où tout le monde descend. Y'a peut-être un ailleurs, vu des extérieurs. Y'a peut-être un ailleurs, y'a peut-être un ailleurs. Casse le sang, l'acier, la mort, le vice des coups toujours plus fort. Partir, partir. Dans le mur noir, j'ai fait mon trou. Un long couloir qui va jusqu'où? Partir, partir. Si tu vois un homme dans un port solaire, assis sans un mot sur le quai des airs, pose pas de questions, il sait plus son nom. Attends un bateau partant pour l'oubli, qui vient le chercher au bout de la nuit. Y'a peut-être un ailleurs, un accord majeur. Y'a peut-être un ailleurs, peut-être une erreur. Y'a peut-être un ailleurs. Vous écoutez toujours Radio Lezinc et n'oubliez pas de venir liker notre page Facebook. Cela nous encouragera à encore partager toute cette belle musique. Soit célèbre ou disparu, qu'il soit toujours en vie ou cadavre exquis du rock, pas de soucis, vous les retrouverez à jamais dans Radio Le Zinc. Tu penses quoi toi? Tu dis rien. rien. Mais toi tu dis rien. J'oublie, tu penses à rien. Tu souris, mais qu'est-ce qu'on est bien. On oublie, on traverse l'eau. On va s'épouser en lieu sombre. Et toi tu penses quoi. Tu dis rien. Voici l'heure de se quitter qui arrive. On se retrouve jeudi prochain à 17h au 104.6. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Sur ce, bis à messieurs, bis à mesdames. Ce matin, je me suis réveillé sans ce mal de chien, le cœur léger, l'esprit clair. J'avais décidé de prendre un peu la température du monde extérieur pour voir si elle est meilleure. A priori, pas de changement réel. Ah ah, le gris règne en maître sur nos vies. Ma galette li wesh ya weldi, galette li metra memsh. Hay jaya dani ya zina, wen de zin, wen de zin el wel, wen de zin el wel. En essayant de voir le bon côté des choses, je me suis usé les yeux plus qu'autre chose. Fatigué, abîmé, j'ai échoué dans toutes mes tentatives pour trouver un peu de bonheur. Hey, oh oui, un peu de chaleur. Car les prières d'antan pour un monde plus tranquille se sens-tu lentement au rythme des guerres civiles. Ou ma galette li wesh ya weldi, galette li mettra mersh. Hay jaya dani ya zina, wen de zin, wen de zin el wel, wen de zin el wel. جاية الدنيا فرحة وانت الزين وانت الزين الأول وانت الزين الأول جاية الدنيا زينة وانت الزين وانت الزين الأول. قالت لي ما تنساش هاهم جايين لوعان. قالت لي ما تنساش هم جايين لوعان. ايا قالت لي ما تنساش هم جايين.